Gaston Leroux, l'épouse du soleil. Lue par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Livre premier. Le navire n'était pas plus tôt entré en rade de Callao qu'il était déjà envahi, avant même qu'il eût jeté l'ancre, par une multitude de bateliers criards et tyranniques. Les escaliers, les cabines, les salons furent pleins en une seconde de cette engeance matriculée, comme nos commissionnaires, qui avaient la prétention d'enlever tous les passagers. L'oncle François Gaspard Ozou, de l'Institut, section des inscriptions et belles-lettres, assis sur ses malles où il avait solidement cadenassé tous ses documents et les objets chers à son érudition, se défendit comme un enragé. C'est en vain qu'on lui fit entendre que le paquebot ne pourrait être remorqué jusqu'au quai de la Darsena que 2 heures plus tard. Il se cramponna ses trésors en jurant que rien ne l'en séparerait. Quant à permettre à ces démons de jeter sur leurs frêles esquifs un bagage aussi précieux, l'idée ne pouvait décemment lui en venir toute seule. Elle fut émise par un grand jeune homme qui ne devait pas être d'un naturel timide, car il ne marqua aucun effroi de la colère que déchaîna illico chez l'irascible vieillard une proposition aussi audacieuse. Raymond Ozou haussa tranquillement les épaules, qui eussent pu faire envie à un athlète, et il résolut de laisser son oncle se débrouiller sur son vaisseau. Quant à lui, il avait trop hâte d'être arrivé pour ne point sauter dans une barque qui, sur son ordre, fit aussitôt force rame vers le rivage. Le cœur battant, Raymond voyait venir à lui le pays fabuleux, l'Eldorado de sa jeune ambition, la terre de l'or et des légendes, le Pérou de Pizarre et des Incas, et de bien autre chose encore pour lui, Raymond Ozou, dont le cœur battait. Il ne fut point désillusionné par l'aspect monotone du rivage. Il lui importait peu que la ville s'allongeât, sans beauté, toute plate, au niveau de la mer, et qu'elle ne dressa point au-dessus des flots ses tours, ses clochers, ses minarets, avec lesquels les antiques cités font de loin leurs gestes de bon accueil aux voyageurs. Il ne s'intéressa en aucune façon, dès qu'il eut passé le môle, aux ouvrages modernes de la moelle d'Arsena, qui eussent pu séduire le jeune ingénieur sorti récemment de Centrale. Rien de tout cela ne paraissait l'occuper. L'arrivée d'un prétendant. Sur sa prière, le batelier lui avait désigné approximativement l'endroit de la ville où se trouvait la cale de Lima, la rue de Lima, et le regard du jeune homme ne s'en était plus détourné. Quand il débarqua, après avoir jeté quelques centavos à son homme, il repoussa brutalement l'assaut des guides, interprètes, pisteurs d'hôtels et parasites, pour courir dans la direction indiquée. Il arriva bientôt à la cale de Lima, qui semblait être la délimitation entre la vieille ville et la nouvelle. Au-dessus, à l'est, le haut commerce s'était groupé, avec ses vastes immeubles, ses rues larges et droites, ses boutiques françaises, anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, qui se succèdent sans interruption. Au-dessous, tout l'enchevêtrement des ruelles étroites et vivement colorées. Les colonnades, les vérandas s'avancent les unes vers les autres, prenant presque tout l'espace disponible. Raymond avait pénétré dans ce labyrinthe, bousculé par des Chinois, porteurs agiles de lourds fardeaux, et par des Indiens paresseux. Quelques ranchos, quelques cabarets à matelots, ouvraient leurs portes sur l'ombre fraîche de ce quartier, que le jeune homme, qui n'était jamais venu à Callao, paraissait parfaitement connaître. À peine hésita-t-il à un carrefour un peu compliqué. Soudain, il s'arrêta, tout net, et s'appuya, un peu pâle, à la muraille décrépite d'une vieille masure, dont la véranda entr'ouverte laissait venir jusqu'à lui une voix féminine, jeune, très musicale, mais aussi très assurée, qui déclarait en espagnol à un interlocuteur invisible « Eh, mon cher monsieur, c'est comme vous voudrez, mais à ce prix-là, vous ne pouvez avoir que du guano phosphaté, qui n'aura plus que 4% d'azote, et encore. » La discussion à l'intérieur de la bâtisse se prolongea quelques minutes encore, et puis il y eut un échange de politesse. On entendit une porte qui se refermait, et Raymond, de plus en plus ému, fit quelques pas du côté de la véranda et avança la tête. Alors, il put voir une jeune femme d'une beauté singulière, mais un peu sévère. Du moins, l'occupation qui, dans l'instant, retenait toute son attention et qui consistait à compulser de gros livres de caisse et à prendre rapidement des chiffres sur un mignon carnet attaché à la plus jolie taille du monde par une chaîne d'or, cette occupation, disons-nous, devait être pour quelque chose dans le froncement des sourcils, dans l'accentuation de la ligne du front et dans la dureté momentanée du profil. Rien dans cette femme n'apparaissait de la langueur créole, rien non plus de la beauté espagnole, en dehors de ses admirables cheveux noirs. Mais c'était le casque de Carmen sur la tête de Minerve aux yeux bleus, déesse de la sagesse et excellente comptable. Enfin, elle leva la tête. « Marie-Thérèse !»« Raymond !» Elle laissa glisser à ses pieds, avec fracas, un gros registre vert, et courut à la fenêtre. Déjà, Raymond couvrait de baisers ses mains prisonnières. Et elle, riait du bonheur de le voir, si grand, si beau, si fort, avec sa belle barbe blonde qui le faisait ressembler à un mage doré d'Assyrie. « Ça va, le guano ?»« Pas mal, et vous ? Mais on ne vous attendait que demain. » « Nous avons brûlé une étape. Comment va ma petite Jeanne ?»« Oh, ma sœur est une grande personne maintenant. Elle en est à son second bébé. »« Et Paris ?»« Eh bien, la dernière fois que nous l'avons vue, il pleuvait. »« Et le Sacré-Cœur ?»« Mais nous n'y sommes plus retournés, vous pensez bien, depuis vous. »« Est-ce qu'il paraît qu'on va le vendre ?»« Hélas, que ne suis-je pas assez riche pour le racheter, si seulement on me permettait d'emporter le parloir. » Le petit coin où nous nous asseyons en vous attendant, Jeanne et moi. Mais j'y pense. Et votre oncle, qu'en avez-vous fait? Toujours à bord. Il ne veut pas quitter sa collection. Continue à prendre des notes avec le zèle d'un académicien qui découvre l'Amérique. Mais où est la porte, bon Dieu, où est la porte? Je n'ose pas entrer dans vos bureaux par la fenêtre. Et puis je vous dérange dans vos comptes. Énormément. Tournez le coin de la rue, la première porte à droite, et frappez avant d'entrer. Il s'élança, trouva une voûte à sa droite qui ouvrait sur une immense cour, où s'agitait, dans une certaine effervescence, tout un peuple de coolies chinois et d'indiens quichua. Des camions venant du port passaient sous la voûte avec un grand bruit de ferraille, d'autres chars descendaient à vide. Il y avait un grand tumulte de choses et de gens dans une poussière suffocante. Enthousiasmé, l'ingénieur murmura. « C'est elle qui commande à tout cela ?» Il la trouva sur le seuil de son bureau qui l'attendait avec son heureux sourire. Ce fut elle qui referma la porte. Elle tendit son front. « Embrassez-moi. » Il l'embrassa en tremblant dans les cheveux. C'était la première fois. Elle était beaucoup moins troublée que lui, et comme il restait là, debout, les bras ballants, à la regarder avec extase, comme un grand dadais, ne pouvant plus prononcer un mot, ce fut elle encore qui dit « On s'aime ?» « Ah !» fit l'autre, en joignant ses mains de boxeur. « Eh bien, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Il est trop tard !» s'exclama le pauvre Raymond, dans une clameur désespérée. « Non, rassurez-vous, je viens de remercier mon quatrième prétendant, Don Alonso de Cuellar, le plus noble parti de Lima, mon cher Raymond. Mon père est furieux. À propos de mon père, vous ne me demandez pas de ses nouvelles ?»« Oh, je vous demande pardon. Oui, oui. » Des nouvelles de votre papa et des petits. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis là à vous regarder. Je suis stupide. Il se porte très bien, mon papa chéri. Il se réjouit de votre arrivée, de celle de votre oncle surtout. Car vous, mon pauvre Raymond, vous ne venez que par-dessus le marché. Oui, il est heureux de donner l'hospitalité à un membre de l'Institut. Depuis un mois, il ne parle que de cet événement à son cercle et à la Société de géographie, dont il vient d'être nommé secrétaire. Oh, il s'occupe, mon papa. Il s'occupe d'archéologie. Il fait creuser la terre un peu partout pour retrouver les os de nos ancêtres. Il s'amuse. Il nous amuse. Il n'a jamais été aussi jeune ni aussi gai. Quand vous le connaîtrez mieux, vous l'aimerez beaucoup. En attendant, vous dites qu'il est furieux. Eh, il y a de quoi, vraiment. N'ai-je pas l'âge de me marier? 23 ans bientôt. Oui, monsieur. Et voilà 4 jeunes et beaux et riches seigneurs qu'il me présente et que je remercie. Savez-vous comment on m'appelle à Lima? La Vierge du Soleil. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma bonne tante Agnès et la vieille Irène, qui savent par cœur toutes les légendes de ce pays, vous expliqueront cela mieux que moi, à ce qu'il paraît que c'est quelque chose comme la Vestale antique. Marie-Thérèse, Jamais votre noble père, le marquis Cristobal de la Tor, n'acceptera pour gendre M. Raymond Ozou. Ne dites donc pas de bêtises. Mon père fera ce que je voudrais. Laissez-moi le choix du moment pour l'avertir. C'est tout ce que je vous demande, mon ami. Et ne vous montez pas l'imagination. Il n'y aura pas de roman, et d'ici 3 mois, nous nous marierons, très prosaïquement, à San Domingo. C'est moi qui vous le dis. Mais je n'ai pas le sou. Vous avez une belle santé. Nous nous aimons, et je vous donne le Pérou. Il y a de quoi s'occuper ici, vous savez, pour un ingénieur. Vous verrez, je me suis déjà intéressé à vos futurs travaux. Nous irons ensemble à Cusco. Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, comme je vous aime et comme je suis heureux de vous le dire. Pourquoi ne nous sommes-nous rien dit de tout cela à Paris? Parce que nous ne savions pas. On vit côte à côte, on se voit presque tous les jours, on se croit des amis, de bons camarades. Et puis on se sépare. Alors la distance et l'absence vous apprennent que l'on s'aime. Oh, je le savais avant, Marie-Thérèse. Oui, mais c'est moi qui vous l'ai dit la première. Ils se prirent les mains et restèrent ainsi quelques instants, en silence. Soudain, un gros brouhaha se fit entendre, venant de la cour, et presque aussitôt la porte s'ouvrit, poussée par un des employés qui paraissait affolé. Cependant, apercevant un étranger, il s'arrêta et ne dit mot. Marie-Thérèse lui ordonna de parler. Raymond comprenait parfaitement et même parlait l'espagnol. Il apprit le malheur qui frappait l'établissement. Les Indiens arrivent des îles. Il y a eu bataille entre les Indiens et les Chinois. Un colis est tué, 3 sont grièvement blessés. Marie-Thérèse ne manifesta aucune émotion. Elle demanda sur un ton sec et dur. « Où cela s'est-il passé? Aux îles du Nord ?»« Non, à Chincha. » « Huascar n'était donc pas avec eux ?»« Huascar y était. Il est revenu avec eux. Il est là. »« Qu'il entre !» Où l'Indien Huascar entre en scène. Le domestique sortit, fit un signe, et un magnifique Indien pénétra dans le bureau. Si calme que voulut paraître Marie-Thérèse, celui-là l'était encore plus qu'elle. La jeune fille s'était assise à son pupitre. L'Indien se dirigea tranquillement vers elle, en ôtant d'un geste noble son immense chapeau de paille. C'est un Indien de Trujillo, c'est-à-dire du pays où ils sont les plus beaux, les plus grands, les plus forts, et où ils ont tous la prétention de descendre de Manco Capac lui-même, le premier roi des Incas. Ses beaux cheveux noirs tombaient jusque sur ses épaules, encadrant un profil de médaille de cuivre rouge. Son regard, qui fixait Marie-Thérèse, avait une douceur étrange qui déplut tout de suite à Raymond. L'homme était drapé dans une sorte de manteau aux couleurs vives, appelé « ponche ». Il avait un couteau dans sa gaine à sa ceinture. « Raconte-moi comment les choses se sont passées, » fit sévèrement Marie-Thérèse, sans répondre au salut de l'Indien. Celui-ci, malgré son sang-froid, marqua quelque émotion de cet accueil devant un étranger et commença de parler en langage quichua. Mais tout de suite la jeune fille le pria de s'exprimer en espagnol, lui faisant entendre d'un ton de plus en plus sec que, dans la bonne société, on ne parlait pas devant un tiers une langue qu'il ne comprit pas. Sous la leçon, l'autre fronça le sourcil et considéra un instant Raymond avec une hauteur méprisante. « J'attends, » reprit Marie-Thérèse. « Tes Indiens m'ont assassiné un Chinois. » Le fils honteux de l'Occident avait ri parce que nos Indiens avaient allumé des coëtes en l'honneur du quart de lune. « Je ne paye pas tes Indiens pour qu'ils passent leur temps à faire partir tes pétards. » C'était la noble fête du quart de lune. Oui, le quart, et la moitié, et la pleine lune, et le soleil, et les étoiles, jointes à toutes les fêtes catholiques. Des Indiens ne cessent pas de faire la fête. Paresseux et ivrognes, je ne les supportais que parce qu'ils étaient tes amis. Mais maintenant qu'ils me tuent mes plus utiles serviteurs, que veux-tu que j'en fasse? Les fils honteux de l'Occident ne sont pas tes serviteurs, ils ne t'aiment pas. Ils travaillent. Pour rien, ils n'ont aucune dignité. Ce sont des fils de chiens. Ils me rendent service et je n'occupe les tiens que par pitié. Par pitié. L'Indien répéta le mot comme s'il le crachait. Son poing, soulevant le ponche, se dressa au-dessus de sa tête dans un geste de menace et de désespoir, et puis le bras retomba. Il marcha vers la porte, mais avant de l'ouvrir, il se retourna. Et de là, il adressa à Marie-Thérèse quelques phrases rapides en indien quichua. Ce disant, ses yeux semblaient lancer des flammes. Enfin, il rejeta son punch sur les épaules et repartit. La jeune fille n'avait cessé de jouer machinalement avec son crayon. « Bon voyage, » fit-elle. « Que vous a-t-il dit ? » « Qu'il s'en allait, que je ne le reverrai plus. » « Il a l'air terrible. » « Des airs qu'il se donne, il m'agace. » « Très dévoué. Il a fait tout ce qu'il a pu, m'a-t-il dit, pour éviter le malheur de tantôt. Mais son équipe est impossible. Ah, ces Indiens, quelle plaie ! Un orgueil ! Et rien à en tirer. Je ne veux plus occuper que des Chinois. » « C'est vous mettre à l'index, prenez garde. » « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je gardais les Indiens de Basca, sachant bien que je ne pourrais pas compter sur leur travail. Mais ils étaient là comme préservatifs. Voilà qu'ils me tuent mes coulisses maintenant, qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. » « Ubasca ? » ?»« Il fera ce qu'il voudra, il a été élevé dans l'établissement, il adorait ma mère. » « Ça doit lui faire de la peine de partir. » « Oui. » « Et vous ne faites rien pour le retenir ?»« Non. » « Mais dites donc, nous oublions votre oncle. » Elle sonna. « Loto, » commanda-t-elle au domestique. « Ah, eh bien, et les Indiens ?»« Ils viennent de partir avec Pascal. » « Tous ?»« Tous. » »« Sans crier, sans murmurer ?»« Sans dire un mot. » »« Ils sont passés à la caisse ?»« Non, Pascal le leur avait défendu. » »« Et les coulisses des îles ?»« Oh, on ne les a pas vues ici. » Mais les blessés, le mort, qu'est-ce qu'on en a fait? Les Chinois les ont déjà transportés dans leur quartier. Race admirable! Vite, Loto! Elle s'était coiffée d'une toque coquette et hâtivement passait ses gants. Ce fut elle qui s'assit au volant. Ils descendirent à vive allure dans la muselle d'Arsena. Il admirait l'habileté avec laquelle elle évitait l'obstacle, la sûreté dans sa direction, la netteté de ses moindres mouvements dans un quartier plein de surprises. Un boy en livrée, accroupi sur le marchepied, ne marquait aucune terreur de raser les murailles. Vous faites beaucoup d'auto au Pérou? Certes non, les routes nous manquent. L'auto me sert surtout dans mes courses quotidiennes de Callao à Lima, où naturellement je rentre tous les soirs. Puis quelques promenades vers la mer, vers les stations à la mode, à Ancon ou à Corrios. Une seconde, mon cher Raymond. Elle avait stoppé doucement et adressait un gracieux salut de la main à une petite tête poupine, toute rose et toute frisée, qui souriait à une fenêtre entre deux pots de fleurs. Elle fit un signe et la tête disparut pour réapparaître sur les épaules d'un galant vieillard, revêtu d'un somptueux uniforme, qui sortait d'une porte basse où il resta à demi dissimulé. Marie-Thérèse sauta sur le pavé et confia à la tête frisée un rapide secret. Puis elle rejoignit Raymond dans l'auto, fit sonner la trompe et continua sa route vers le port. « Vous avez vu, lui dit-elle, il s'ignore inspecteur supérieur, le maître de la police ici. Je lui ai fait part de l'incident. Tout ira bien s'il n'y a pas de plainte des Chinois. Je suis passé par ici parce que j'étais sûr de l'y trouver. » « Où était-il donc ? » ?»« Chez Jenny, l'ouvrière. Nous sommes au pays de l'amour, mon cher Raymond. » Ils arrivèrent sur les quais, ils n'étaient pas en retard. Le remorqueur arrivait à peine dans le port, traînant le paquebot de la Steam Pacific Navigation Company, où l'oncle, François Gaspard, devait être encore en train de prendre des notes. Quand on entre dans le port de Callao, on est frappé, etc., etc. Il devait envoyer des correspondances à un grand journal de la dernière heure. Il aurait dû entendre Marie-Thérèse parler de son port avec enthousiasme. 60 millions dépensés par une compagnie française, les marchandises passant directement du pont du navire dans les wagons de chemin de fer, 51 500 mètres. Oui, monsieur, plus de 50 000 mètres carrés de bassin. Ah, cette muselle d'Arsena, comme elle l'aimait. Pour toute l'activité de son commerce, pour tout le mouvement de ses bateaux, pour la vie de ses quais, où, dans quelques années, après l'achèvement du canal de Panama, on embarquerait tant de richesses. La renaissance du Pérou, Santiago enfoncé. Le Chili vaincu, la défaite de 1878 vengée. Et San Francisco, là-haut, n'avait qu'à bien se tenir. Raymond l'écoutait, avec stupéfaction, citer des chiffres comme un ingénieur, supputer des bénéfices comme un armateur. Quel brave petit cerveau, admirablement organisé pour lui plaire, lui qui détestait l'imagination aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui en avait été fortement dégoûté, du reste, par la vague littérature de son oncle et les hypothèses chimériques sur lesquelles il continuait d'édifier une histoire universelle à dormir debout. « Tout cela serait très beau, ajouta-t-elle en fronçant les sourcils, si on ne faisait plus de bêtises. Mais voilà que les bêtises recommencent. »« Lesquelles ?»« Les révolutions !» Ils étaient descendus sur le quai et attendaient l'accostage du navire. « Ah, chez vous aussi, fit Raymond. Nous en avons trouvé une au Venezuela et une autre à Guayaquil. La ville était en état de siège. Je ne sais plus quel général qui régnait là en maître depuis 48 heures se disposait à marcher sur Quito, où se trouvait bloqué le gouvernement légal. « Oui, c'est comme une épidémie, continua la jeune fille, une épidémie qui court les ondes en ce moment. La Bolivie aussi l'inquiète. On a de mauvaises nouvelles du lac Titicaca. « Eh mais, ça va me gêner pour mon affaire de Cusco, » dit Raymond, qui parut tout de suite s'intéresser vivement à l'événement. « Oui, je n'avais pas voulu vous le dire. Je vous réservais ça pour demain. Aujourd'hui, tout devrait être à la joie. Mais les environs de Cusco sont aux mains des partisans de Garcia. « Qui, Garcia ?»« Un ancien amoureux à moi. Mais tout le monde a donc été amoureux de vous, ma chère Marie-Thérèse ?»« Ceux qui m'ont ennuyé. Ah, quand je suis arrivée de Paris. Vous comprenez, de Paris. Au premier bal de la présidence, où j'ai pu me rendre après le deuil de maman, ils m'ont tous fait des déclarations. Ils sont insupportables. Des enfants. Un enfant terrible, ce Garcia, qui vient de soulever les Indiens autour d'Arequipa et de Cusco. Il veut remplacer notre président. Mais Ventimiglia ne se laissera pas faire. On a envoyé des troupes contre lui? Oui, les deux troupes sont là-bas, mais elles ne se battent pas, naturellement. Qu'est-ce qu'elles attendent? On dit la grande fête de l'Interremi. Quelle fête est-ce là? La fête du soleil chez les Quichua. Ces Indiens, quel poison! Sachez que les 3/4 des troupes présidentielles et révolutionnaires sont constituées d'éléments indiens. Tout simplement. Alors, amis et ennemis attendent le jour de la fête pour s'enivrer ensemble. Oh, il est à prévoir que Garcia passera finalement en Bolivie. Mais en attendant, le cours du guano en aura souffert pendant 3 mois, et j'aurai été gêné dans mes additions. Eh, bonjour, monsieur Ozou. Bonne traversée. Elle s'adressait à François Gaspard, qui, près de la coupée, agitait son carnet de notes à son attention, comme il l'eût fait d'un mouchoir. Le steamer accosta, on jeta les passerelles, ils montèrent à bord, et Marie-Thérèse embrassa avec joie le bon vieillard qui lui avait servi si paternellement de correspondant pendant le temps de son séjour à Paris. La première chose que l'autre lui demanda fut, comme l'avait fait son neveu, « Ça va le guano ?»